Unite. Je décris mon monde avec mes mots, tu décris le chien avec des gestes de violence, d'humilité. Enlève la mer de la Côte d'Azur. Le chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Pris pour cible, je m'esquive. Parce qu'il y a trop de proches qui font des galères. Trop de mecs imprudents qui font des manières. Ne réfléchissent pas avant de dire paniquer ta mère. Qui vivent le ventre plein, qui croient y avoir connu la galère. T'as rien à dire, c'est pas que t'as rien vécu. Si tu parles trop gars, tu seras le dernier des cocus. Même si t'as déjà vécu, regarde la longueur de la rue. Pas celle de ta queue, car tout le monde en a une. Comme tout le monde vient au monde avec des lacunes. Pour ma part, je pète vite les plombs. Si t'osses le ton, sauf pour le bon son gars. J'utilise tout ce qui balle pas, mais qui en biblon. Ceux qui te crachent pas, mais qui savent dire non. Si rare qu'à ça tourne rond, des fens et des glands qui font des tours de con. Signer ton arrêt de mort, c'est dire j'arrête. Dis-toi, alors t'as tort, car tu fais bouger les têtes. Suffit, j'ai pris sur la rette, voir ton sang qui se la pète. Et ça me voulant que ça s'arrête, voir des bouches faire la fête. Toi t'as rien dans l'assiette, je fais pas de burn en BM. Mais moi ma vie je l'aime, j'ai pas de tasse comme enseigne. Mais des tas qui craignent, aucune lunette ni futale. Mais juste une grande gueule, pas besoin de péter plus haut que son trou de balle. Quand t'as un bon gun, que ferais-tu dans une rue sombre si tu te retrouvais seul? Moi je roulerais mon zodo dans le coin à gauche juste au bout. Avec ma meuf tenant le bout, même en solo. On m'a jamais fait bouffer le sol, quand même le plus pire des hommes pisse le sang quand tu crèves. De ma lame j'incise ma larme en deux parties. Le bâtard qui me côtoie et mon père qui est parti. Car ce n'est pas un jeu, mais y'a trop de fauchetons. Des mecs de 20-30 ans qui se croient vieux mais qui ballent pas un biton. Tire-toi ou c'est toi qu'en épongera les plaies. Fous-toi ou la réussite sera dure à épeler. Déceler ce qu'on pense sur toi donne envie de dégueuler. Lève-toi, regarde la tête droite, pas te regarder gelé. Pour faire style rien t'atteint, mais en fait tout obstrue. Pour faire style que tout va bien mais tu l'as dans le cul. Y'a pas de lézard mais d'un air en anis. Je mue car je suis pas muet et je serai prêt à muer sur le premier déçu. Qui rigolerait devant ma blessure, ne prime pas texte où je me range. La musique dans cette merde, rien qui la vaille. Car avec elle, pas besoin de maille. Je la façonne face à la famille et augmente sa fierté. Car si je pourrais dire tout ce que je voudrais, j'aurais plus de papier pour griller, humilier, moi humilier. Jamais, si tu crois devenir mon rival, ben tu peux rêver. J'ai trop trempé, alors à vite tempête. Les tapettes pour l'alias. Solution pour continuer l'évolution. Problème d'élocution, pas pour la location. À certains moments je débloque, partie débloque, sacrée époque. Certains finissent des locks, feraient tout pour manger. Et son voisin crève d'obésité. Je ne veux pas rendre justice, juste que je cauchemars finisse. Y'a trop d'enculés qui pensent qu'à ruiner ta vie sans demander ton avis. Avis des choses morbides, le vide bien vide, comme les rues la nuit. Des fois y'a des ennuis, c'est pour ça je m'enfuis. Sur cette feuille blanche, pas de traces blanches. Au bout du nez, pas de caviar au dîner. Dinar, euro, dollar, seul mot connu par tous les gens du président Tollar. Tu penses toujours être bien en Europe, tu crèveras pas de faim. Prêt à critiquer, ça les démange. Dès qu'il y a un nom ou une couleur étrange, qu'on vienne de l'Est ou du Maghreb, on les dérange. Ils nous mentent dans les journaux, passe à 20h aux infos, besoin de rétablir son ego. La haine des gens que tu vois, la haine de l'argent que tu vois ça fout la haine, tous ces hypocrites. Obligé de sortir 10 flots de suite, tu croyais que ma vie je pouvais la finir ainsi. Je suis de retour après tant détours, quand les yeux te cachent les larmes de mon désespoir. Et tout devient dérisoire, plus la peine de me raconter la même histoire. Avec un grand H et comme mes frères cachent, face au H, certains se fassent, face aux fachos, face aux français, face au danger. Il sait même plus qui il était, ordonné, face aux ordonnées, ses pieds rangés. Telle une chemise qui rejoint le placard, rentre dans le troupeau. Avec tous les bâtards, paye tes impôts, avec ton salaire de smicard. Le soleil se couche, les mots sortent ma bouche, mais c'est sûr on se couche tard. Le mic, le B, le pétard, on nous prend pour des fêtards. Mais mec, il se fait tard, ou tôt, la plupart de nos projets finissent sous l'eau. La femme, le boulot, la santé, studio. J'ai arrêté de rêver, la réalité m'a frappé plein pied. Pas moyen d'esquiver ma destinée, destinée, on est tous. Parfois le destin te pousse là où tu ne veux pas, dans ce local tout froid. Avec des prospectus comme matelas, matelas, vie nous mène en bateau, dans ce râteau. Avec un long fardeau, avec nos proches, on maintient l'orgueil. Même ceux qui sont déjà dans le cercueil, plus malin qu'un écureuil. Pour ne plus être au seuil de la porte, la mer je la porte, la maille. et je la porte. De n'importe quelle façon, faut se faire des bisons. Même si tout en prison, il détourne des millions. Chirac ne s'en est pas privé, alors pourquoi je la fermerai? Je ne peux plus m'en passer, donc j'en aurai jamais assez pour savoir ce qui s'est passé. Ce coup de choc m'a lassé. Ouais, merci. Unite.